Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Well, your mother said, son, don't call my daughter no more. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Well, now you say I've been running around, but you got somebody time. Come on back home, baby. Try my love one more time. Well, now you've been gone away so long, I'm gonna lose my mind. Before you accuse me, take a look at yourself. Money from somebody else. Before You Accuse Me, un morceau de Bo Diddley, de son vrai nom Elias McDaniel. Il l'a composé et enregistré en 1957. C'est en quelque sorte un troisième blues covers consacré à Bo Diddley, puisqu'il y en a eu deux consacrés à des morceaux de Bo Diddley, mais pas toujours les mêmes, c'est-à-dire des groupes français principalement, qui ont interprété ou rendu hommage à Bo Diddley par diverses compositions. Mais là, ce troisième volet, blues covers, sera entièrement consacré à Before You Accuse Me. Un morceau, comme vous l'aurez certainement remarqué, qui sort un peu de l'ordinaire de Bo Diddley, c'est-à-dire que ce n'est pas son jungle beat, son Bo Diddley beat habituel. Alors, qu'avons-nous au menu pour ce Before You Accuse Me version Frenchies? Tout d'abord, Back to the Roots, en 1999. Eh oui, encore eux. Dans le deuxième volet, il reprenait Hey Bo Diddley, et là c'est donc Before You Accuse Me, leur premier album en 1999, qui s'appelle 16 Blues, 16 Blues, Back to the Roots. You've been taking money from someone else. I don't know more. Before you accuse me, take a look at you, say. Someone else, yeah, solo guy. Outsliders, une des nombreuses formations de Christophe Marquilly du côté de Lille, en 2004 sur l'album Thank You, Before You Accuse Me. Someone else. at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You said I spend my time on other women and my money on someone else. Et voici maintenant Nico Bacton. C'est un Belge qui est venu s'installer en France il y a une douzaine d'années. Et sur son premier disque, en 2006, le premier titre, c'est « Before You Accuse Me ». L'album s'appelle « Backdoor Blues ». C'est un très très bon disque, comme ses 4 ou 5 albums. Vraiment, vous pouvez acheter, écouter ça les yeux fermés, par les oreilles bien sûr. Nico Bacton, l'une de mes versions préférées de Before You Accuse Me. Don't you call my daughter no more. on other women than you. You're taking money from someone else. Et on va terminer en apothéose, que dis-je, en feu d'artifice, avec Jean-Jacques Milteau à l'harmonica, bien sûr, et Demi Evans au chant. C'est un album paru en 2007, mais enregistré sur la route en 2005. L'album s'appelle Live Hot and Blue, et il y a Andrew Junior Boy Jones à la guitare, Manu Galvin à la guitare, Felton Cruz à la basse, Mark Mack aux drums, c'est-à-dire à la batterie, sans oublier Benoît Souris à l'orgue, et bien sûr Jean-Jacques Milteau harmonica et Demi Evans au chant principal. Et ce disque, je vous le conseille car c'est une tuerie. Jean-Jacques Milteau, Live Hot and Blue, Before You Accuse Me, bye bye et à la prochaine. And leaving me home by myself. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.